Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui un film pour nos jeunes amis. Alvin et ses frères, Théodore et Simon, reprennent une vie normale et vont à l'école comme n'importe quel enfant. La rivalité avec les autres élèves, les cours de sport et bien sûr, les filles. Les Chipmunks étaient au sommet, jusqu'au jour où tout s'effondra. Là, on est mort. Ça ira, je m'en remettrai. Je me suis arrangé pour que vous alliez à l'école. À l'école ? Pourtant, les voilà de retour sur le devant de la scène. Vous êtes peut-être célèbres, mais ici, vous êtes des lycéens comme les autres. Enchantée, mademoiselle. On va s'en sortir, les doigts dans la truffe. Sauf que cette fois, on pourrait bien leur voler la vedette. Vous venez de vous prendre les chipettes dans vos faces. Tu veux la guerre? On va te faire la misère. Ça va être Chipmunks contre chipettes. On va les anéantir, ces Chipmunks. Ah! Il avoue les bons délires. Ouais. Ouais. Ouais. Alvin et les Chipmunks 2. Viens la boule de poil. C'est à moi que tu parles. Oh, bouillard. Alvin et les Chipmunks 2, un DVD Fox Pathé Europa.